Nous sommes le 28 juillet 2019. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Tout d'abord, le sommaire. Trois personnes sont mortes sur la colline Rusekawiye de la zone Musigati en commune en province Bubanza. L'empoisonnement serait à l'origine de cette situation. Grogne des propriétaires des parcelles du site Karurama en commune Rugombo. Nous sommes dans la province Cibitoke. Ces derniers n'ont pas encore eu l'autorisation de bâtir il y a 4 ans, bien qu'ils ont déjà payé les frais de réhabilitation. Vous aurez les détails tantôt. Et le nombre des malades de l'hépatite augmente du jour au jour au Burundi. Les statistiques montrent qu'entre 3 et 5% des personnes sont porteurs de cette maladie. L'OMS appelle les pays à investir dans l'élimination de cette maladie d'ici 2030. Voilà pour les titres. Albert Ndouaïo est à la cabine technique et Moïse Misago est à la présentation. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page santé. Les cas de malades souffrant les hépatites virales se multiplient à une allure inquiétante au Burundi. Propos du docteur Tassis Nahimana, secrétaire de l'association pour la lutte contre les hépatites virales. Il explique qu'entre 3 et 5 % sont porteurs de l'hépatite virale B, tandis que 5 à 10% de personnes sont porteurs de l'hépatite virale C. Cela est ainsi au moment où le monde célèbre chaque année le 28 juillet la journée mondiale de lutte contre l'hépatite virale. Il demande à tout un chacun de se faire dépister pour connaître son état sérologique. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Dans notre pays, le Burundi, les hépatites sont bel et bien présentes. Pour bien le souligner, il y a des hépatites dues au virus. Il y a des hépatites qui sont causées par l'alcool, par les médicaments, par les champignons, par l'excès du sucre, etc. Les hépatites causées par le virus, celles-là qui menacent la santé de la population. Des estimations montrent que, par exemple, pour l'hépatite virale B, entre 3 et 5 % de la population sont porteurs de l'hépatite virale B, tandis que pour l'hépatite C, entre 5 et 10% de la population souffre de l'hépatite virale C. Et quelles sont les stratégies pour lutter contre l'hépatite? Les stratégies pour une lutte efficace contre les hépatites peuvent être classées dans plusieurs catégories. Premièrement, il faut qu'il y ait un engagement des autorités sanitaires, un engagement politique pour qu'il y ait disponibilité de tout ce qui est nécessaire pour cette lutte. Deuxièmement, il faut vraiment que la population soit sensibilisée pour faire le dépistage. Sans attendre certainement qu'il y ait des douleurs, mais que chaque Burundais fasse le dépistage de ces virus. Après le dépistage, quand quelqu'un est trouvé non porteur de l'hépatite B, il y a un vaccin, il faut se faire vacciner et comme ça on est protégé. Tandis que pour l'hépatite virale C, il n'y a pas de vaccin, il y a des traitements qu'on peut prendre. Certainement pour l'hépatite B, il y a aussi des médicaments, même si ces médicaments pour le moment ne sont pas curatifs, mais ils suppriment les virus jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas non plus transmettre ce virus. Où on peut trouver ces vaccins et quel est le coût pour acheter ces vaccins? On va dans une structure de santé et on vous injecte le vaccin. C'est un vaccin qui est injecté à 3 doses. C'est un vaccin qui n'est pas très abordable. Le coût est estimé entre 40 000 et 50 000 par injection. Comme ça, on est protégé. Dans un communiqué sorti par l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation appelle les pays à investir dans l'élimination de l'hépatite d'ici 2030. Le contenu de ce communiqué avec Aimé Richard Nyonghuru. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, appelle les pays à tirer parti des réductions récentes dans les coûts du diagnostic et du traitement de l'hépatite virale et à intensifier les investissements en vue d'éliminer la maladie. Au total, 7 milliards de dollars américains sont nécessaires pour éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique dans ces 67 pays d'ici 2030. Autrement dit, pour réduire les nouvelles infections dues au virus de l'hépatite hépatite de 90% et des décès de 65%. Aujourd'hui, 80% des personnes infectées par le virus de l'hépatite ne peuvent obtenir les services dont elles ont besoin pour prévenir, dépister et traiter la maladie, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, qui dit, je cite, à l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite, nous appelons à un engagement résolu de la part des dirigeants politiques, accompagné des investissements correspondants. Nous appelons tous les pays à intégrer les services de lutte contre l'hépatite dans les ensembles de prestations offertes pour progresser vers la couverture sanitaire universelle, fin de citation, en investissant dans les produits de diagnostic et les médicaments permettant de traiter les hépatites B et C. Aujourd'hui, les pays peuvent sauver les vies et réduire les coûts liés aux soins de longue durée de la cirrhose et du cancer du foie que provoque l'hépatite non traitée, souligne le communiqué. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite 2019, l'OMS appelle tous les pays à investir dans l'élimination de l'hépatite en chiffrant, budgétisant et assurant le financement du coût des services en vue de l'élimination de la maladie dans le cadre de leur projet de couverture sanitaire universelle. Bien que les États membres aient largement soutenu l'adoption de la stratégie d'élimination de l'hépatite de l'OMS, 124 États membres sur 194 ayant élaboré les plans de lutte contre la maladie, pour plus de 40% de ces plans nationaux, il n'existait pas de ligne budgétaire spécifique pour soutenir les efforts d'élimination. Merci, Aimé Richard. Toujours page santé, tous les hôpitaux et centres de santé de Gitega doivent mettre en place des points d'eau et du savon pour lavage des mains dans le cadre de prévention d'Ebola et de propreté en général. Tels sont les propos du médecin provincial ad intérim à Gitega qui indique que bientôt les titulaires des centres de santé et des directeurs des hôpitaux de cette province seront sensibilisés sur l'installation de ces points d'eau de lavage des mains. Docteur Mago Guajan Bosco souligne que les contrevenants feront face aux sanctions administratives. Jirani Bigira, correspondance. L'hôpital SOS Siso quartier Nyabututsi dans la ville de Gitega a été le premier à mettre en place un point d'eau constitué d'un petit fût en plastique et du savon pour que toute personne qui entre ou qui sort de cette structure de soins se lave les mains. À côté de ce point d'eau, il y a un homme qui contrôle les gens qui entrent ou qui sortent à se laver les mains. Cet homme a fait savoir que cette organisation entre dans l'optique de prévention de l'Ebola. Aussi, l'hôpital régional de Gitega a placé un point d'eau à l'entrée situé près du service des urgences. Cependant, certains hôpitaux et d'innombrables centres de santé de la province de Gitega n'ont pas encore installé ces points d'eau. Ainsi, le médecin provincial ad intérim à Gitega, Dr Mago Guajan Bosco, dit que tous les centres de santé et tous les hôpitaux de cette province doivent mettre en place des points d'eau et du savon pour que toute personne qui entre ou qui sorte de ces structures de soins se lave les mains dans l'intention de prévention contre l'Ebola et de propreté en général. Il souligne également qu'à côté de ces points d'eau, il doit y avoir quelqu'un pour contraindre les gens à se laver les mains. Il ajoute que même le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le VIH-Sida a récemment rappelé aux médecins provinciaux que les points d'eau pour lavage des mains sont obligatoires à chaque structure de soins. Docteur Mago Guajan Bosco mentionne que les titulaires des centres de santé, les directeurs des hôpitaux de la province de Gitega seront bientôt sensibilisés sur l'installation de ces points d'eau et que les contrevenants feront face aux sanctions administratives. Depuis Gitega, Jean Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À présent, page sécurité, 6 militaires burundais auraient été tués et 3 autres blessés en mission de maintien de la paix en Somalie dans une attaque du groupe terroriste Al-Shabaab. C'était l'après-midi de ce samedi. Comme annoncé par la Radio France Internationale, ces casques verts de la MISOM sont tombés dans une embuscade de ces terroristes au nord de la capitale somalienne Mogadiscio. Du côté de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyere, qui est porte-parole de l'armée, confirme cette attaque mais promet de réagir après avoir rassemblé les bilans de l'attaque. Toujours page sécurité, 3 personnes composées de 2 enfants et leur mère sont mortes ce samedi sur la colline Nerusekawiye, en zone Namba, en commune Musigati de la province Bubanza. Les témoins sur place, de même que l'administrateur communal ainsi que la police dans cette commune, parlent d'empoisonnement. Dans cette famille, il n'en reste qu'un seul enfant actuellement sous des soins intensifs à l'hôpital et son père qui n'a pas mangé sur le repas selon les mêmes sources. L'administrateur de la commune, Moussigati, explique que les enquêtes sont en cours pour identifier ces malfaiteurs. Et un corps d'un certain Baranizigie Augustin, habitant de la colline Gatou en zone Kizoukan, commune et province de Mongue, a été découvert ce dimanche matin dans la vallée d'Okidambagwa. Lui, Kamwinubusa, chef de zone Kizoukan, dit que le cadavre avait une blessure au niveau de la tête et qu'il aurait été tué ailleurs pour être ensuite jeté dans cette vallée. Cette autorité à la base précise qu'il n'y avait pas de saignement dans cette vallée. Les informations obtenues de certains habitants d'Okizuka indiquent qu'un OPJ s'y est rendu pour un début des enquêtes. Et page société, à présent, les propriétaires des parcelles se trouvant sur le site Karouaman commune et Rugombo de la province Cibitoke grognent sur les frais de viabilisation qu'ils ont déjà payés, mais qui n'ont pas encore eu l'autorisation de bâtir leurs parcelles. Au sein de la société immobilière publique qui a fait la viabilisation, on indique que les nouvelles structures de l'Office burundais d'habitat trouveront la solution à ce problème. Le point avec Alexis Ndairagidje. Ces parcelles auxquelles les propriétaires ont déjà payé les frais de viabilisation se trouvent sur la colline Karurama au chef-lieu de la province Cibitoke, en commune Rugombo. Les propriétaires de ces parcelles indiquent que les frais de viabilisation allaient d'1 600 000 francs et plus selon la superficie de la parcelle. Certains affirment qu'ils ont payé ces frais il y a 4 ans, mais qui ont attendu les autorisations de bâtir, mais en vain. Ces personnes lésées demandent que ces autorisations de bâtir leur soient octroyées. C'est au moment qu'elles affirment qu'elles ont pris des crédits auprès des banques, sachant qu'elles allaient avoir leur logement sans succès. Au sein du service de Libanais, en province Cibitoke, on indique que les parcelles de Karurama sont gérées par la société immobilière publique SIP en sigle. Le directeur général de la SIP contacté nous a indiqué que la question des parcelles de Karurama sera géré par les nouvelles structures de l'Office burundais de l'habitat au Bois en sigle, affirmant que cette nouvelle institution trouvera la solution aux propriétaires des parcelles de Karurama lésés. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Et page culture, pour boucler cette édition, la compétition musicale de pré-musique prendra fin l'après-midi de ce dimanche. 6 candidats vont se disputer la première place de cette 5e édition. Cette compétition a commencé par des tournées à travers toutes les provinces du pays. Elles ont été suivies par des compétitions régionales et après ces derniers, 12 candidats représentant cette province avaient été retenus. Les 6 candidats qui sont restés après la demi-finale vont prester sur la scène et seront départagés par le jury. Le concert marquant la fin de cette compétition sera rehaussé par la star tanzanienne Diamond. Et voilà, chers auditeurs, à 13h08, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaïo pour sa collaboration technique. Passez un très bon après-midi chez vous. Au revoir.